Chapitre 5e, le dîner. Tous les raffinements de la toilette attendaient dans leurs appartements le prince et la princesse, car c'était leur usage, après leur promenade à cheval, de se baigner dans des piscines chaudes avant de revêtir, ce qu'ils faisaient jusqu'à 2 ou 3 fois par jour, du linge fin et un vêtement à parier à la couleur du temps et de leur âme. L'heure du dîner venue, ils passèrent par 2 portes opposées, dans la salle à manger s'y rencontrèrent, vêtus, Férimonde d'un habit de saphir sombre rehaussé de riches ornements d'or et de gros diamants, Ourlis d'un habit de pourpre cousu de perles fines. Ils s'assirent à une haute table qu'une nappe éblouissante recouvrait et qui portait du surtout garni de fleurs rares, une très belle argenterie, des cristaux étincelants et les plus merveilleuses porcelaines du monde. Des vins scintillaient, pariés de la topaze et à du rubis liquide, et le soleil, les traversant, projetait leur ombre diaphane comme une lueur d'or ou de feu. Des poissons, dont l'art avait conservé la fraîcheur des écailles, reposaient sur des lits de violettes, si vivants qu'on eût juré qu'ils palpitaient encore. Il y en avait de toutes les tailles et de toutes les formes, de monstrueux, qui avaient la queue barbelée en scie et des nageoires en éventail, et de si petits qu'il en fallait 50 pour une seule bouchée. Certains qui étaient longs comme des glaives ou ronds comme des boucliers, et d'autres qui portaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À côté des quartiers de venaison, de rouges à loyaux, des volailles rôties fumaient sur des réchauds, cependant qu'autour d'une hure de sangliers aux pistaches, énormes, et dont les défenses supportaient de petites corbeilles d'épices, 4 grands pâtés d'oiseaux reposaient, parés des ailes d'un paon, d'un cygne, d'un flamant rose et d'un faisan doré. 2 nids, plein d'œufs, de vanneaux et de perdrix, haussés sur un pied de feuillage, complétaient aux 2 bouts ce service. Venaient ensuite les légumes qu'un artifice montrait dans l'éclat de leur couleur naturelle, comme si on venait à peine de les cueillir. Il y en avait un grand nombre et aussi beaucoup de jeunes salades, de toutes sortes, et dont la fraîcheur charmait l'œil et la bouche. Aux extrémités de la table se dressaient les compotiers d'or chargés de fruits, les hauts plats de cristal pleins de crème, les vases en verre précieux à dessins rares qui contenaient les confitures et les dragées, et 1000 espèces de pâtisseries et de friandises. Selon leur habitude, Ourlis et Férimonde ne touchèrent qu'à peine aux viandes, aux pâtés et aux vins, disposés sur la table pour le plaisir de leurs yeux, mais auxquels ils préféraient la pureté du lait, la fraîcheur des œufs et des légumes, quelques fruits confits et de légers desserts. Bientôt rassasiés, ils ordonnèrent que leur page Léoline entrât avec sa mandore afin de les amuser par quelques chansons. C'était un enfant blond et rose, d'une exquise et troublante beauté, car il avait la grâce des jeunes filles mariées à la hardiesse des garçons. Ses formes, accusées sous un vêtement qui en moulait exactement les contours, paraissaient, si l'on regardait sa poitrine et ses épaules rondes, d'un éphèbe, et si l'on suivait ses hanches courbes et évasées, d'une vierge. Sans que l'on pût décider à quel sexe appartenait ce beau corps, ou s'il dissimulait un mystérieux hermaphrodite. Ce page, Ourlis et Férimonde l'aimaient tous deux également, malgré son ambiguïté, ou peut-être à cause d'elle. Il goûtait un plaisir pensif et tout idéal à voir et à ouïr le doux enfant. Parfois il lui faisait une caresse que Léoline recevait en souriant, et ce frôlement innocent leur causait un trouble inexplicable et mêlé de douceur. « N'est-ce point toi, » dit Ourlis, qui chantait ce matin dans la forêt. Le page, en rougissant, fit signe que oui. « Eh bien, chante encore, » dit Férimonde, « nous t'écoutons. » Léoline s'assit sur un coussin à leurs pieds, et Férimonde et Ourlis, rêveurs, le contemplaient, dans une attente bienveillante, cependant que de ses doigts blancs et fuselés, il tirait des accords étouffés de son instrument. Il préluda, d'une voix douce, le regard lointain. C'était une île merveilleuse, un pays d'autrefois, qui répandait dans la mer bleue les parfums vierges de ses bois. La lumière, toujours égale, d'un immuable été, baignait ses plaines amicales où tout dormait dans la clarté. Et rien, sur ces plages perdues, ce pays d'autrefois, que de grandes fleurs inconnues, des oiseaux aux lointaines voix. Il chantait dans le soir paisible, et la mer du levant, la mer bleue entourait cette île sous le tiède baiser du vent. Mais un jour, à l'horizon rouge, déchirant l'or des flots, parut dans un sillage rose un navire sans matelot. Des tempêtes mystérieuses l'avaient désemparé. Plus de voile au départ joyeuse, plus de mahotin ni d'agrès. Seul, à l'avant doré, se penche les yeux au loin fixés, une princesse en robe blanche avec son noble fiancé. Il lui ressemble comme un frère, et mains jointes, tous deux pleurent en voyant cette terre où se lèvent des jours heureux. La vague lentement les pousse, ils abordent enfin, ivres dans les fleurs et la mousse, ils tracent le premier chemin. Ils sont des conquérants et marchent. Leur amour est pareil au sol vierge sous le ciel large qu'empourpre un immense soleil. Mais peu à peu, la nuit féerique, dans l'île d'autrefois, la nuit claire aux étoiles vives, bleuit le rivage et les bois. Cependant la lune se lève, le beau couple s'endort, s'endort joyeux avec son rêve sous les vives étoiles d'or. La mer, d'un battement rythmique, berce l'île et depuis toujours, dure la nuit féerique où les amants sont endormis. C'était une île merveilleuse, un pays d'autrefois, qui répandait dans la nuit bleue les parfums vierges de ses bois.